Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, une radio qu'on écoute aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver. Je vous présente ce soir le deuxième et dernier segment d'un entretien que j'ai réalisé il y a quelques semaines avec Pally Meursault, artiste sonore, compositeur et enseignant qui mène, depuis le début des années 2000, des recherches sur le monde acoustique, ce monde qui est parfois inaudible. À partir de captations hors studio et de réflexions sur les transformations du monde, ses paysages, montagnes, glaciers et forêts de toute nature. Ma recherche tente, dit-il, de se déployer au-delà des aspects purement acoustiques du sonore pour s'intéresser aussi aux dimensions sociales et politiques que celui-ci révèle. Il s'agit dès lors de prêter une attention élargie à la fois aux contextes sociaux dans lesquels un son émerge et à la manière dont il agit dans de nouveaux contextes culturels. Je referme les guillemets, c'est Pally Meursault qui raconte ça. Alors, je me suis entretenu avec Pally Meursault à propos de ses principales réalisations et de ses fréquentations de la montagne, des glaciers notamment. Je présente ce soir la suite de l'entretien que je vous proposais la semaine dernière. Alors, on écoute ça. Thank you. Pally Meursault, au cours des 15 dernières années, bon, tu promènes tes micros dans des environnements, tu l'as évoqué, des environnements urbains, des environnements industriels, sur des glaciers alpins, pour y produire la matière de tes créations sonores. J'aimerais que tu me dises, qu'est-ce qui se passe entre la prise de son sur le terrain, bon, parce que tu aimes ça, te décrire aussi comme un preneur de son. Donc, qu'est-ce qui se passe entre la prise de son sur le terrain et puis l'offrande sonore à l'auditoire, à l'auditeur? Donc, de la captation à l'écoute, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses. Il se passe aussi beaucoup de temps. En fait, il y a pas mal de temps en amont de la prise de son et puis en aval, après la prise de son, il y a encore beaucoup de temps qui se déroule en studio. Mais c'est vrai que il y a eu une époque, l'époque du journal sonore, qui était vraiment un exercice de prise de son aussi, au début des années 2000, quand j'ai commencé à vraiment travailler avec des micros, où je faisais beaucoup, beaucoup de prise de son un peu tout le temps. J'avais toujours un micro dans mon sac, pas loin. Finalement, maintenant, les moments où j'enregistre, ils sont beaucoup plus prémédités, parce qu'il y a un projet qui s'écrit, il y a un terrain qui se dessine, qui se construit avec les relations avec les gens, qui nous permettent d'y aller, qui permettent de passer un certain temps à tel endroit, etc., avec un sujet qui est travaillé, qui est réfléchi. Et je suis moins dans ce rapport au son du quotidien ou à sortir le micro dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, etc. Donc je ne fais plus que des tournages sonores, c'est-à-dire des choses qui sont préméditées et construites en avance. Et puis en aval de ça, du coup, qui dit préméditation dit aussi écriture d'un projet, d'un propos. Donc je sais pourquoi je vais enregistrer telle chose et pourquoi je vais à tel endroit, et je sais déjà un peu, mais on espère toujours que le terrain vienne chambouler un petit peu ce qu'on avait prévu, en sachant un petit peu ce que je vais en faire. En tout cas, il y a une direction. Et du coup, alors moi, j'aimais bien la formule de Eric Lacasa qui disait que le terrain, c'est des possibilités infinies dans un temps limité, et le studio, c'est des possibilités... je me suis perdu, l'inverse. Et donc, il y a un petit peu ce rapport aux outils. Ça, c'est l'autre versant du truc. Moi, je me suis aussi... construit un outil studio qui est très particulier, qui répond à plusieurs choses, qui répond à la possibilité de faire de la musique et de travailler pour la musique des autres, parce que je travaille aussi, alors c'est pas mon business, genre, mais je travaille aussi comme ingénieur de mastering pour d'autres artistes, pour faire de la post-production pour du cinéma documentaire. Et donc, il y a un studio qui permet un petit peu de faire tous ces trucs-là. Et ce qui relie, en fait, toute cette chaîne, c'est d'aimer non seulement le son, mais les outils qui permettent de faire du son. Donc, il y a un côté geek que j'assume complètement. J'aime beaucoup les micros, j'aime beaucoup trouver des solutions pour faire de l'enregistrement, pour faire de la captation, pour faire de la transmission. Et c'est vrai que les gens avec qui je collabore ont aussi un petit peu ce côté-là. Tomatilly, c'est vraiment un preneur de son avec qui on passe beaucoup de temps à parler matos. Nicolas Montgermont, c'est un vrai ingénieur de la radio aussi. Pally, tu as parlé de solutions à des problèmes. On va écouter un extrait d'un très beau projet, ça s'appelle Stridulation, et c'est un extrait de « Pour chaque solution, il y a un problème ». Alors, on écoute ça. Bali, tu as parlé collaboration, tu en as mené vraiment de très nombreuses, des collaborations sur le plan artistique, à la fois sonore, radiophonique, musical. Quel défi ça représente que le travail accompagné, le travail en collectif? Collectif, en plus, c'est le bon mot, parce que moi, j'ai toujours le goût de la collaboration, c'est-à-dire de construire un projet. Alors, bon, je me garde quand même quelques projets solo, comme LW ou certaines compositions électroacoustiques ou des projets d'écriture. Mais souvent, tout ça est toujours accompagné ou confronté aussi à d'autres écoutes, à d'autres regards. Et après, il y a finalement maintenant pas mal de projets en duo, soit du côté du cinéma, soit du côté de la radio ou de la musique. Mais il y a aussi tout un historique de relations avec des collectifs. Avec Peanut, ça fait déjà une petite dizaine d'années que je me confronte aussi à cette situation collective. Et puis avant ça, dans les années 2000, j'ai pendant très longtemps collaboré de très près avec un collectif qui est en France entre Grenoble et Marseille qui s'appelle Ici Même. Et qui vraiment pratique c'est de l'art contemporain dans l'espace public, on va dire, avec une dimension très performative, très, très vivante, mais notamment ce qu'on a beaucoup fait et que ce collectif fait encore aujourd'hui, c'est des balades sonores les yeux fermés, avec des gens qui guident, qui proposent une composition pour des gens qui ferment les yeux, en fait, donc dans le réel, dans la ville. Et ça, moi, ça avait été une collaboration extrêmement marquante pour moi, parce que vraiment, je me suis formé à beaucoup de choses avec ce collectif ici même, et notamment à cette appréhension un peu entre l'art et la sociologie du monde réel, quoi. C'est-à-dire, j'étais sorti de l'école d'art où c'était surtout la salle blanche, le lieu d'exposition qui était en jeu, et puis tout à coup je me retrouve à travailler avec des gens comme ici même et à me rendre compte qu'en fait l'art ça a beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus intéressant quand c'est dehors, et ça a énormément nourri ma pratique. Donc à la fois d'un côté j'étais geek et je me gardais ma geekerie et mes micros, et puis de l'autre côté tout à coup de se mettre à fermer les yeux, à écouter la ville et à avoir des émotions qui étaient propres musical, en fait, et un travail qui est vraiment aussi de l'ordre de la composition, même s'il n'a pas la prétention de le dire. Voilà, il n'y a pas de médiation technique, mais c'est extrêmement puissant aussi, donc il y a des tas de choses à faire qui sont liées directement à l'écoute et à l'environnement qui est autour de nous. Pali, dans l'esprit de cette collaboration, on va écouter un extrait du collectif Fantasme. Tu prononces ça comme ça, je pense, Fantasme, ouais. Fantômes. Fantômes, ah, c'est Fantômes. Bon, voilà, en tout cas, c'est un trio que tu formais avec Frédéric Nogré puis Lee Patterson jusqu'en 2020. En tout cas, c'est ce que tu racontes. On écoute une pièce qui est tirée de l'album Room Tones et ça s'intitule The Werkplatz. Pardonnez-moi l'accent, mais c'est très bon comme affaire. Alors, on écoute ça. Thank you. pallie, la prise de son ou bien encore l'expérience sonore là, suite à nos échanges. Est-ce que c'est pour toi un levier politique ou bien un moyen d'éveil aux transformations qui agitent le monde? Bon, tu as parlé de la fonte des glaciers, tout ça. Alors, il y a toujours un peu cette intention derrière ton travail ou pas? Ben, j'espère qu'il puisse y avoir un lien. En tout cas, moi, ça me rassurerait parce que dans la période qu'on vit, qui est marquée quand même par une vraie montée du fascisme et une vraie crise écologique, j'ose espérer que le fait de faire de l'art puisse continuer à avoir un sens. Donc c'est presque pour me rassurer moi-même de la pertinence de ce type d'activité que j'essaye de plus en plus d'interroger ma pratique et de nourrir ma pratique de problématiques, on va dire, plus directement politiques. Moi, il y a un certain nombre de choses, de situations ces dernières années que j'ai pas réussi à vivre directement à partir de la pratique politique, de la pratique artistique, pardon, et du son, et où il a fallu aller manifester, en fait, aller dans la rue, aller rejoindre des collectifs militants avec des modalités d'action qui sont plus directes. Je sais pas si tu as regardé le projet Strikes aussi dans mon site là. Parce que ça, c'était vraiment en 2019, donc j'étais invité au festival Tsunami à Valparaiso et par Eric Matson, qui était curateur là-bas. Et en fait, c'était en plein pendant le mouvement social chilien, donc ça a été un moment très particulier où le festival était plus ou moins, pas annulé, mais reconstruit un petit peu différemment. Et donc j'ai fait une pièce là-bas qui a consisté, parce que dans les manifestations, il y avait tout ce truc autour des casseroles qui était cogné un peu tous les jours. Et donc, j'ai fait une composition vraiment sur ces percussions-là, en essayant d'aller rencontrer des gens, en leur demandant chacun enregistrer, choisissait un objet pour taper sur quelque chose au rythme qu'il voulait. Et puis après, j'ai reconstruit une espèce de polyrythmie un peu globale comme ça pour créer un moment de performance un peu cathartique pendant ce festival. Et c'est parfois d'ailleurs dommage de ne pas retrouver toujours les collègues artistiques, les collègues artistes dans ces endroits-là. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un certain nombre d'endroits, je pense que Pinode en est un, le 102 à Grenoble, qui est un lieu, un squat artistique qui existe depuis très longtemps, auquel je collabore beaucoup, en est un autre, où cette question de l'action politique et militante et du travail artistique et notamment de l'expérimentation se rejoignent. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que parmi les militants et les militantes, il y en a qui trouvent toujours que les artistes qui font de l'expérimental, ils sont un petit peu abstraits, ils sont un peu dans leur monde, ça ne sert pas à grand-chose qu'ils racontent. D'un autre côté, j'aimerais que certaines pratiques artistiques puissent inviter la gauche à renouveler sa culture musicale, par exemple, qui est des fois assez affligeante. Donc voilà, c'est des endroits, en tout cas, où il y a de la friction, où c'est intéressant et où ça permet de se reposer la question de à quoi ça sert de faire ces choses-là. Parce que finalement, c'est un petit peu facile de se dire bon, on fait de l'improvisation libre, donc c'est politique. Ouais, bon. Est-ce que c'est à la mesure? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça met en dialogue les choses dont on a besoin aujourd'hui, etc.? Alors, sans doute, oui, mais comment on pousse encore un petit peu les curseurs? Comment on crée aussi des formes qui déconstruisent certaines évidences, quoi, ne serait-ce que des hiérarchies dans la façon de faire de la musique, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant. La dimension collective est ultra importante aussi dans tout ça, parce que c'est là que ça se rejoint, quoi. Et c'est pour ça que je fais de moins en moins de projets tout seul dans mon coin aussi, je crois. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi de l'entretien que m'accordait l'artiste sonore Pally Meursault. On poursuit ça après un bref battement promo. C-K-R-L-89-1. Vous écoutez? La Croche-Oreille. On est de retour, c'est la Croche-Oreille jusqu'à 22h sur CKRL. Gaëtan Gosselin, microphone. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça assez facilement sur la toile. Je vous présente ce soir le deuxième et dernier volet d'un entretien que j'ai réalisé avec l'artiste sonore, compositeur et alpiniste Pally Meursault. Pally est un artiste d'origine française qui habite la région de Grenoble en France et qui promène ses micros et ses antennes aussi à l'intérieur d'usines abandonnées, de champs magnétiques, de forêts tropicales et au sommet de montagnes enneigées. Pally Meursault souligne qu'une grande partie de son travail se construit en collaboration avec des anthropologues, glaciologues et collectifs d'artistes sensibles aux transformations du monde et aux nouvelles solidarités qu'elles mobilisent. Alors voilà, on écoute la suite de cet entretien que Pally Meursault m'accordait.

Pali Meursault ce matin. Beaucoup de travail à venir, des projets, là, ce qui est en cours, puis ce qui est sur ta table de travail. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses en cours ou à venir. Bah, y a toujours le travail avec le glaciologue Lucas Davaz et Thomas Tilly qu'on tourne avec cette performance Melt version 2. Y a toujours un travail en collaboration avec Naïs Van Leer sur des questions d'eau dans les régions, dans les montagnes autour de Grenoble, etc., qui est un tournage qu'on a commencé déjà il y a quelques années et qui se poursuit avec toutes les difficultés de financement et de travail au long cours. Donc voilà. Et puis un nouveau projet là, qui est en train de se construire un petit peu dans la, on va dire, un petit peu dans la suite de Melt, avec d'autres collaborateurs et collaboratrices au sein d'un institut scientifique. Donc là, ça va être plus dans des histoires de neutrons, mais surtout pour faire une approche un peu anthropologique de la science, quoi, et des outils de la science. Donc encore un tout autre sujet, mais où il y aura aussi beaucoup de bruit de machines industrielles et de captation électromagnétique et de radiation. Voilà. Donc et puis plein de petits projets. Bah, cette collaboration avec le 102 qui continue d'être, enfin en tout cas cette contribution à la vie de ce lieu qui continue d'être importante à Grenoble. Un projet aussi qu'on essaye de piloter avec Nicolas Mongermont, qui est de créer un label en ligne qui sera lié aussi à des problématiques politiques de manière très, très, assez radicale, qui est en train de se construire doucement. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. Ouais, le compte y est sûrement. Écoute, Pali, on va terminer notre entretien sur un extrait de Without the Wolf, là, un projet qui résulte d'excursions dans les Alpes françaises. Pali, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'était très, très, très chaleureux, très agréable. Merci à toi. Bon, voilà, ainsi s'achève la dernière de deux émissions consacrées à cet entretien que m'accordait l'artiste Pally Meursault. Grand merci à Pally de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur son site à l'adresse pallymeursault.com. J'en profite pour remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions pour écoute et réécoute. Tout ça, évidemment, à votre guise. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL, le 89.1, pour une autre aventure sonore. Voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou, à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.